Tableau de la nature de François-René de Chateaubriand. 4. Le soir dans une vallée. Déjà le soir, de sa vapeur bleuâtre, enveloppait les champs silencieux. Par le nuage étaient voilés les cieux, je m'avançais vers la pierre grisâtre. Du haut d'un mont, une onde, rugissant, s'élançait. Sous de larges sycomores, dans ce désert d'un calme menaçant, roulaient les flots agités et sonores. Le noir torrent, redoublant de vigueur, entrait fougueux dans la forêt obscure de ses sapins, aux pores pleins de langueur, qui, négligés comme dans la douleur, laissent tomber leur longue chevelure, de branche en branche, errant à l'aventure. Se regardant dans un silence affreux, des rochers nus s'élevaient, ténébreux, leurs fronts arides et leurs cimes sauvages voyaient glisser et fumer les nuages. Leurs longs sommets, en prismes partagés, étaient des os et des mousses rongés. Des liserons, d'humides capillaires, couvraient les flancs de ces monts solitaires. Plus tristement, des lierres encore se suspendaient aux rocs inaccessibles. Et, contrasté, teint de couleurs paisibles, le jonc couvert de ses papillons d'or riait au vent sur des sites terribles. Mais tout s'efface, et, surpris de la nuit, couché parmi des bruyères laineuses, sur le courant des ondes orageuses, je vais pencher mon front chargé d'ennui.